Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Simon Fitzbé continue sa série sur les animateurs radio avec Murray the King. On parle politique avec François Landry. Et des solutions à tous vos problèmes dont ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis commence maintenant. Tu aurais pu dire là? Non. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 23 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? En ce jeudi 23 février. Février. Jeudi. Ah, parce que c'est jeudi puis t'aimes ça. Ben oui. Je me suis pas trompé. Qui n'aime pas les jeudis? Avec François Landry, Simon Fitzbé, ça ne peut être que réussi. Recette gagnante, en effet. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, à 8h, on va voir Simon Fitzbé qui nous continue sa série tant convoitée sur les DJ, les disques jockeys, les animateurs radio connus de l'histoire. Donc, on a parlé la semaine passée de John Peel. Et cette semaine, c'est Murray the King. Cool, hein? Formidable. Ça va être Murray the Cool. Murray the Cool. Ouais, très cool. Qu'est-ce qu'il y a à 8h30, qu'est-ce qu'on a? À 8h30, on parle de politique et écoute, je sais pas, est-ce qu'il t'a envoyé les sujets? Il va nous parler de nouvelles. Oui, bien la CAQ entre autres, mais c'est des nouvelles du NPD, de la juge Charbonneau, de la CAQ et des élections générales. OK, ça va être. Hein, ça va être une chronique fort remplie. Très long nom de chronique. On va 8h30 avec François Lundin. Exact. En première heure, on va voir la chronique Sex Smith, ça devrait pas au là où on vous suggère des solutions à vos problèmes de la vie de tous les jours. Voilà, puis on aura sûrement du temps pour d'autres petites affaires à faire. Sinon, autre chose à dire avant de commencer en musique? Non. Bon. Non. Bien de la bonne musique ce matin. Ah ouais? On a reçu le CD de Topanga. Hey! Topanga que Key One nous avait fait découvrir à sa chronique. Exactement. On avait bien apprécié. Oui. Donc, pour l'instant, on commence avec Mauve. Voici Madeleine. Sur C'est fou, 89 FM. De la peine quand tu embrasses les autres garçons. On fait des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. Vas-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai? Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en engelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Les étoiles dans tes yeux, les étoiles. Violet. Ah non, mauve. Ah non, pourpre. Pourpre. C'est ce que je voulais dire au début en plus. Ah ouais. Des fois, on n'est pas sûr. Hein? Pourpre. Pourpre. C'est quelle couleur, ça? Pas. C'est un mauve, ça, il me semble. C'est un mauve? Oh, ouais, ouais. Mélangé avec du rose. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés à différencier le rose et du mauve. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Un peu comme des fois, certaines sortes de jaune et de vert, des fois, tu n'es pas sûr. Exactement. Comme ton gilet. Ah, c'est vrai. Quel bon exemple. J'ai un entre-deux. T'as un entre-deux. Mais traite-moi pas d'entre-deux. Non, non. Allons maintenant, assemblage requis, c'est la chronique CNX. Le service aux étudiants. Non, c'est vrai. Hey, excuse-moi. Hey, ouais, Marie-Pierre. Calme-toi. On se calme. Assez courte chronique CNX aujourd'hui, hein, juste pour terminer un petit peu la semaine, étant donné qu'il n'y a pas eu de chronique. On a une chronique hier, mais pas d'autres jours d'ancien, en tout cas, bref, on n'a pas eu tant que ça. Donc, on parle, pour commencer, de Ford qui utilise une plante tropicale pour réduire le poids de ses véhicules. Le kenaf, une plante tropicale de la famille du coton et de l'okra, est utilisée pour remplacer des matériaux à base d'huile dans les portes du tout nouveau Ford Escape. Hein? Oh. En Amérique du Nord, on prévoit que l'utilisation de ces matériaux écologiques réduira annuellement celle de près de 140 000 kg de résine à base d'huile. Oh, c'est bien ça. Ben oui. Le kenaf réduit le poids des portes de 25 % tout en améliorant l'économie du carburant et est aussi utilisé dans les cosmétiques. La fibre de kenaf peut remplacer le bois et, dans la fabrication du papier et du carton. Ses feuilles sont aussi comestibles, Colin. Tu peux manger à la porte de ton char. Oh, le kenaf est combiné au polypropylène dans un mélange à part égale 50-50 à l'intérieur des portes de l'Escape. International Automotive Components fabrique les éléments de porte à Greencastle dans l'Indiana. Parmi les matériaux recyclés, renouvelables et qui réduisent l'impact sur l'environnement, on peut noter la mousse de soja dans les sièges et les appuie-têtes, bouteilles de plastique et matériaux post-consommation et post-industriels dans les tapis, joints d'étanchéité pour système de chauffage, climatisation fabriqués de pneus recyclés et plus de 5 kg de déchets de coton de jeans recyclés. L'utilisation plus répandue de matériaux recyclés et recyclables, plus écologiques, complète l'économie de carburant en tête de catégorie attendue du tout nouveau Ford Escape, ajoutant ainsi à son portefeuille écologiquement responsable. C'est quoi la plante? C'est le kenaf. K-E-N-A-F. C'est bizarre, on n'a jamais entendu parler. Non, c'est ça. C'est une avancée, on dirait, en tout cas, à moins qu'on se trompe, mais au moins c'est plus répandu, peut-être. C'est cool, ça. Ouais. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça pour le futur, avoir une planète plus en santé. Ouais. World of Warcraft fait du bien à ton cerveau, François-Olivier. Pas certain, non? Pas certain. Je l'ai testé longtemps. Ça fait pas du bien à mon coup, en tout cas. Tu joues-tu à ça? Non, du tout. T'as-tu déjà joué ou? Non, c'est vraiment pas mon genre de jeu. Okay. Non, je suis assez, on le rappelle, sélectif dans mes genres de jeux vidéo. Disons que je joue pas à grand-chose. Okay. C'est puzzle, plateforme, pas mal ça. Il existe des logiciels plus ou moins ludiques destinés à entraîner le cerveau, mais qu'en est-il des jeux vidéo plus traditionnels? Peuvent-ils eux aussi bénéficier des effets bénéfiques? Des chercheurs de l'Université North Carolina State ont décidé de tester l'hypothèse auprès de personnes âgées, et s'il faut en croire leurs résultats, il semble bien que World of Warcraft possède des vertus insoupçonnées. L'étude d'une durée de 2 semaines portait sur un groupe d'adultes de 60 à 77 ans, ton groupe préféré, dont la moitié a joué à World of Warcraft pendant environ 14 heures, tandis que l'autre moitié n'y jouait pas du tout. Okay. Tous les participants ont été évalués au début et à la fin de la période de 2 semaines afin de constater d'éventuels changements à leurs facultés cognitives. Résultat, les joueurs dont les résultats initiaux étaient les plus faibles ont démontré une amélioration marquée en matière de perception spatiale et de concentration. Chez les personnes dont les pointages initiaux étaient les plus élevés, par contre, aucun changement significatif ne peut être mesuré. Et quant à la mémoire, elle ne semble pas avoir été affectée de façon mesurable chez qui que ce soit. Évidemment, chez certaines personnes, c'était peut-être déjà... Les chercheurs ont choisi World of Warcraft en raison des défis cognitifs que le jeu pose aux participants et de son environnement social. C'est bien. Quand même. Maintenant, la monarchie, hein, nous, on adore ça, je pense, au Québec. Hein, la monarchie, c'est important. C'est important. Donc, l'entreprise Samsung vient d'annoncer qu'elle a reçu une distinction prestigieuse de la part de la reine d'Angleterre elle-même, le Queen Royal Warrant. Okay. C'est la première fois qu'un fabricant de télévision est honoré par la monarchie britannique. La compagnie coréenne est devenue en 2006 le premier fournisseur de téléviseurs de la famille royale. Jusqu'en 2011, elle a fourni près de 100 télés haut de gamme et appareils audio-vidéo. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Qu'est-ce qu'ils font avec ça dans chaque pièce, c'est quoi? En tout cas, une équipe spéciale dédiée à la monarchie a même été mise sur pied pour voir au bon fonctionnement des appareils électroniques 24 heures sur 24. Eux autres, il n'y en a pas de bug. Hein? Non, il part. Enfin, elle a parrainé un événement de charité de cricket organisé par la famille royale. On comprend pourquoi la firme de la Corée du Sud est entrée dans les bonnes grâces de la reine. Selon le site de la monarchie britannique, les Royal Warrants sont des mandats remis aux gens ou aux entreprises qui ont régulièrement fourni des biens ou des services pendant au moins 5 ans à la reine, 5 années consécutives, soit à la reine, soit au duc d'Édimbourg ou au prince de Galles. En plus de cette reconnaissance royale, Samsung pourra porter fièrement les armoiries royales pendant les 5 prochaines années. Donc, sur les boîtes de Samsung, on va peut-être avoir des petites armoiries, là. En effet, son siège social de Surrey au Royaume-Uni, ses boutiques ainsi que sa page Internet britannique auront l'honneur d'afficher cette récompense. C'est une publicité non négligeable pour le fabricant. Fait intéressant, dit-on, de pareilles distinctions existent dans d'autres pays où il y a une monarchie comme la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède. Et ben, incroyable. Des Japonais, oui, maintenant, voudraient construire un ascenseur spatial. Un ascenseur spatial. En fait, c'est que dès 2050, des touristes de l'espace pourraient monter à bord d'un ascenseur qui les amènerait à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, selon la firme de construction Obayashi Corp. La compagnie japonaise a dévoilé ce gigantesque projet au début de la semaine. La cage d'ascenseur sera construite avec des nanotubes de carbone, un matériau 20 fois plus résistant que l'acier. Ce serait en fait un long câble de 96 km, soit le quart de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Colin. Une des extrémités serait reliée à une base de lancement, tandis qu'un contrepoids serait attaché au bout flottant dans l'espace. Une station spatiale accueillerait les voyageurs au 36 millième kilomètre. On estime pouvoir transporter 30 personnes qui prendront environ 7 jours à monter dans le ciel à une vitesse de 200 km/h. Hey boy. Hey boy, hein? Ouais. 7 jours de pas certain, moi, je prendrais ça. Tu manges quoi? Tu fais quoi pour aller aux toilettes? En tout cas, il va y avoir des choses à gérer, je pense. Obayashi n'a toutefois pas précisé les coûts d'un tel chantier où l'ascenseur serait construit, ni qui pourrait financer le projet. Le constructeur termine présentement la plus haute tour du Japon, le Tokyo Skytree, qui s'élève à peine à 634 mètres. À peine. Regarde donc. Hey, on vise la lune, 634 mètres, ça se rendra pas là, là. En Grande-Bretagne maintenant, un juge autorise l'envoi de réclamations juridiques par Facebook. Un juge de la Haute Cour d'Angleterre a donné le feu vert pour utiliser Facebook dans le cadre d'une affaire dans laquelle l'une des parties s'avère difficile à contacter. Le réseau social sera utilisé pour transmettre des réclamations juridiques. Donc, recevoir des documents juridiques par Facebook, c'est la première fois que la démarche est validée à un niveau aussi élevé. C'est une progression assez naturelle, commente l'une des avocates de l'affaire. Certains juges de la Haute Cour ont déjà estimé qu'une injonction pouvait être transmise par Twitter. C'est donc une suite logique que les revendications puissent transiter par Facebook. Twitter avait effectivement été utilisé en 2009 au Royaume-Uni. Le juge de l'affaire avait à l'époque considéré que le destinataire de l'injonction était difficile à identifier et a contacté d'une autre façon que par le biais de la plateforme de micro-blogage. Ça crée des précédents pas mal, ça, parce que moi, en tout cas, Facebook, Twitter, je connais bien des gens qui lisent pas du tout leurs messages sur Facebook. Et quand tu regardes leur page, tu vois un genre 1382 à côté de leur petite inbox. Là. OK. Parce que tu regardes pas ça. Là. Ça, c'est les messages. Ouais, c'est ça. En tout cas, on peut s'interroger sur la pertinence d'utiliser un réseau social pour transmettre des documents juridiques tels des citations à comparaître ou des injonctions, alors que ce type de site ne propose pas de façon d'accuser de réception et n'assure pas que la personne ou l'entité ciblée consulte la messagerie interne à la plateforme. Et voilà. La question de la confidentialité peut également être soulevée. Hein. Des fois, tu laisses ton compte connecté au travail et quelqu'un d'autre peut regarder ça, puis hop, tu sais, à part les affaires qu'il devrait peut-être pas. Tu veux pas qu'il sache? Ouais. Enfin, bref. Besoin de garder vos enfants tranquilles lorsque vous voyagez ou que vous dînez au restaurant ou juste envie de leur apprendre de nouvelles choses, demande technote.ca. Assommez-les! De plus en plus de parents laissent leurs enfants de 11 ans et moins sous la surveillance d'une tablette. Une tablette. Ben oui. Une nouvelle étude réalisée par l'Institut de recherche Nielsen a révélé que les adultes utilisent régulièrement les tablettes numériques lorsqu'ils ne sont pas à la maison pour maintenir au calme leurs enfants. Quel âge, là? Il disait quoi, là? 11 ans et moins. 11 ans seul à la maison avec sa tablette. C'est très sécurisé. C'est dangereux. Très sécuritaire. Plus de la moitié des adultes ont déclaré que leurs enfants se servent d'une tablette pour se divertir pendant les voyages. Ça, c'est bien parfait. Tandis que 2 parents sur 5 ont donné une tablette à leurs enfants pour les occuper pendant qu'eux sortaient au restaurant ou à un événement. Les enfants aiment télécharger des jeux et jouer sur les tablettes numériques, mais apprécient également de s'en servir de façon éducative. En fait, Nielsen a découvert que l'éducation est la deuxième activité la plus populaire sur les tablettes auprès des enfants après les jeux. Peut-être que tu peux apprendre en jouant à Angry Birds, t'apprends sur la gravité. Peut-être. Les lois de la physique. En même temps, tu prends un jouet, tu laisses tomber. Là. Ah, c'est rabat-joie. Et tu prends pas la tablette et tu ne la laisses pas tomber. C'est un test à ne pas faire. Non, c'est ça. Les parents utilisent aussi les tablettes comme un appareil alternatif pour consommer des médias. 43% des parents ont ainsi admis que leurs enfants regardent souvent des programmes télé ou des films sur leur tablette. Les appareils mobiles commencent à devenir omniprésents dans les foyers et les enfants ont compris rapidement que la tablette de leurs parents pouvait leur permettre de s'évader. Évidemment, on rappelle aussi qu'on remplace souvent les manuels scolaires par des appareils numériques de ces temps-ci. Là, les écoles qui forcent les parents à acheter des iPads. Pas toujours convaincu de l'utiliser, non. Mais bon. Lors du quatrième trimestre de 2011, 7 enfants sur 10 vivant dans un foyer possédant une tablette numérique ont été autorisés à utiliser l'appareil mobile, soit une augmentation de 9% par rapport au troisième trimestre de 2011. Et finalement, on en parlait récemment à CNX, mais tout porte à croire que le géant de la recherche Google se lancera très bientôt dans le marché qu'on avait mentionné, celui des lunettes. Oui. Lunettes. Donc, Google aurait conçu des lunettes qui fournissent de l'information en temps réel, selon le New York Times. Celles-ci seront mises en vente à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Les rumeurs à cet égard se font persistantes depuis quelques mois, mais c'est la première fois qu'une date de lancement est évoquée. Le quotidien new-yorkais affirme que celles-ci se vendront entre 250 et 600 $, soit au prix actuel de téléphone multifonction. Je trouve ça large comme fenêtre de prix, moi. Ouais. Belle raquette, 250 ouais. à 600 $. À moins qu'il y ait c'est du pas précisé, ben non, c'est ça. À moins qu'il y ait une petite une affaire de mémoire à l'intérieur, genre... différents modèles, 4G, 8G, 16G, je sais pas. Donc, ces lunettes seraient équipées d'une version du système Android et permettraient de recevoir des informations en temps réel grâce à une connectivité 3G ou 4G et à un GPS. Un écran serait situé à quelques centimètres des yeux. Elle serait également dotée d'une caméra frontale et pourrait être contrôlée avec de légers mouvements de la tête. Je cite, vous pourrez voir où se trouvent vos amis grâce aux lunettes. Mais l'équipe de Google X, le laboratoire de développement de Google, d'où a originé l'idée, aurait certaines préoccupations de sécurité. On voudrait par exemple s'assurer que les gens qui sont filmés par la caméra intégrée dans les lunettes soient avisés. Donc je sais pas si... C'est quoi, à l'avant des lunettes, ça va être écrit « Vous êtes filmé, souriez, il y a une caméra ». Selon le New York Times, Google n'aurait pas de grande visée commerciale avec ce projet. Il s'agirait plutôt d'un projet mené à titre expérimental. Ouais. Ouais, hein? L'entreprise californienne évaluerait les possibilités de revenus si les lunettes connaissaient du succès. Il va falloir que tu portes tes lunettes, puis aussi il va falloir que tu te déguises en homme sandwich pour dire aux gens « Hey, en passant. » Je sais pas. J'adore l'idée, par contre, c'est vraiment cool. Ça peut avoir l'air de lunettes normales, mais on s'entend que la première paire de lunettes va sûrement avoir l'air d'une affaire à la Robocop. T'sais. Un petit peu trop gros. Grosse affaire. Il va s'en faire sa tête. Sabre laser. Ça va être mauvais pour ton dos. Aussi. Fait que le poids et tout ça. Oh. Ouais. Non. Non, non plus. On est fermé vers l'avenir, Mathieu. Vers l'avenir. Ouais. Donc voilà pour cette chronique CNX. On va terminer ça avec du Chapatoon. Non? Qu'est-ce qu'on va entendre? C'est pas moi. T'aimes pas mes petits fusils laser, toi? C'est même le move, en plus. C'est fantastique. C'est beau. C'est si beau à voir. Donc, on s'en va entendre l'artiste Kobe. K-U-B-B. Avec la pièce Planet V. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Planet V, Exosphere. Ouais, eux autres, les titres, hein, c'est les titres et les noms de... Faut être de... original, tu sais. Ouais. C'est comme les bands alternatifs, là. C'est quoi ça, Aniel Katib, tu sais? C'est qui, ça? C'est pas... Hein? Ah, je le dirais. Pourquoi c'est Duchess 16, tu sais? Moi, c'est pas super, c'est pas super. On va y dédier ça à la duchesse. Question que nous autres, on parle de la reine souvent, tu sais. La monarchie, c'est important. Ouais. Dans le Codex CNX, mettons, ça fait longtemps que ça existe. On l'a dépassé 5 ans facilement. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir, nous aussi, nos armoiries. CNX présenté par la reine. Hein? Ouais. Non? Non. Non? Non. Laisse faire de bord. QB avec quoi, planète? C'est Planet V, entre parenthèses, Exosphere. Ça sonne pas pire. À date. Parle pas trop vite. Ok. Excuse. Oups. Thank you. cherchais là-dedans. C'est bon celle-là, hein? Ouais, je te l'accorde. Cool. Je te l'accorde. Est-ce que c'est la première fois que t'as mis une chanson dans Scénix? Ben, non. Non. Il y en a mais... que t'as trouvé correct ou genre qui te dérangeaient pas. Ouais, mais... c'est ça. Mais ça, c'est comme plus mollo. Ça me fait penser à Ratatat un peu. Ah oui? Ouais, quand même. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. On pourra jouer du Ratatat tantôt. Bon choix. Donc, Kobe avec la pièce Planet V, Exosphere. Et là, la raison qu'on parle par-dessus la pièce, c'est je sais que c'est un manque de respect incroyable envers l'artiste, mais elle dure super longtemps, cette pièce-là. Donc, on va c'est parler. Très long. Soit envoyer une petite publicité, puis on la laisse finir après. Là. Donc, tout ça pour vous rappeler que sur assemblagerequis.com, vous allez pouvoir retrouver les liens de l'émission et télécharger les balados diffusion, évidemment, d'Assemblage Requis et de CNX.zip, l'émission qui compresse toutes les chroniques CNX ensemble. Cette émission qui est diffusée les jeudis matin à 10h. On rappelle les dimanches. Vers juste tantôt. Oui, tantôt, là. Éventuellement, là. Enfin, reste à l'écoute. Plus tard dans l'émission, on va parler de gadgets inutiles dans 5 semaines. Ça devrait pas, on l'a. Donc, yeah. Je pense que ça devrait être bon. Puis un petit peu de musique, peut-être. Un petit peu. À tantôt. À tantôt. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. We'll be right back. Wildcat, comme le bien. Wildcat de Ratatat. Tu sais ce qu'il disait, Wildcat de Ratatat. Ah ouais, puis, mais... le groupe c'est Ratatat. Ouais. Ça rime, hein? Ça rime en plus. Il y a une patate! Patate. Patate. 7h32. 7h32, oui. Et Mathieu Plante dit patate. Voilà, c'est dit. Je l'ai dit une fois dans ma journée, je suis content. Minimum d'une fois. Ouais, minimum d'une fois. C'est pour ta santé mentale. Maintenant, parlant de santé mentale, moi j'ai besoin de vous dire certaines affaires, de résoudre vos problèmes. C'est comme une mission dans la vie. C'est comme. De nous créer des besoins. C'est venu d'en haut, c'est ça. Je vous crée des besoins et je vous les règle ensuite. Voici si ça existe, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est la chronique, évidemment, où vos problèmes sont réglés. Et on commence avec le problème que tout le monde a. C'est de se défendre dans la rue. Se défendre dans la rue. Si quelqu'un veut te voler ta sacoche, François. OK. Ton sac banane. Mettons, quelqu'un veut te voler ton sac banane. Poivre de Cayenne. Poivre de Cayenne, exactement. Mais t'as pas ça, non? Tu veux pas traîner du poivre de Cayenne. Poivre américain. Poivre américain, parce que c'est illégal. Non, poivre américain. Ah, poivre américain, c'est quoi ça? Ben, c'est... Un point, finalement. Ouais, mais de quoi de dur, là, pour assommer les gens? Faut que tu t'enfiles dans les doigts. Ah, OK. Ouais, des bagues, là, des genres de... Tu sais, les gros comme les rappers, on sait, là. Ouais, c'est ça, mais c'est un gros tout. Un gros tout? C'est comme un point, là, complètement. OK, ah, ouais. Ben, pas un point, en tout cas, je te montrerai les mains. Faudrait. Mais non, t'as un iPhone avec toi, par contre, et pourquoi ne pas combiner iPhone et poivre de Cayenne dans un seul gadget, hein? Donc, c'est un gadget qui vraiment, c'est comme... On dit ici dans l'article que ça redéfinit l'expression « étui protecteur ». Tout à fait vrai. Donc, c'est l'étui Smart Guard qui vous protège, en vous permettant d'asperger un éventuel assaillant avec un puissant jet de poivre. Donc, Smart Guard, c'est un étui pour iPhone 4 ou 4S, doublé d'un aérosol capsique. Hein? Ça, c'est le terme en français pour un pepper spray. En cas d'urgence, le jet de poivre d'une concentration telle qu'il est illégal dans certains États américains, hein? Où d'ailleurs, on nous précise que c'est permis de porter une arme à feu à l'église, mais c'est pas possible d'avoir du pepper spray sur soi, aussi fort que ça, jusqu'à une portée d'environ 2 mètres. Notez aussi que l'étui Smart Guard est doté de tout ce qu'il faut pour empêcher que le jet se déclenche par accident pendant que vous êtes en train de téléphoner. Hein? Bon. Environ 35$ plus 20$ par cartouche de rechange au cas où vous auriez envie de vous en servir souvent. Et on dit que ce serait apparemment illégal au Canada aussi. Ah, bon. Mais tu sais, en même temps que tu te fasses pas pogner avec ça. Hein, ouais, mais... sont illégales dans la vie, hein? Tout est légal, mais en autant que tu te fasses pas pogner. Hein? Ouais, c'est exactement ça, voilà. Est-ce que tu connais le concept du chat de Schrödinger? Le quoi, le chat de... Je sais même pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Là. J'avoue mon ignorance ici. Vous me corrigerez si j'ai pas la bonne prononciation. Schrödinger. C'est une expérience théorique célèbre en physique quantique, et le chat de Schrödinger, selon laquelle un chat enfermé dans une boîte avec une bouteille de cyanure dont l'ouverture est contrôlée par un phénomène aléatoire peut être considéré comme à la fois mort et vivant tant qu'on n'ouvre pas la boîte pour l'observer. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Pas en tout. C'est une expérience en physique quantique. C'est un chat enfermé. C'est ça. Si tu enfermais un chat dans une boîte avec une bouteille de cyanure, ouais. Okay, ça, c'est l'affaire qui tue, là, dont l'ouverture est contrôlée par un phénomène aléatoire, donc c'est totalement un random, au hasard, l'ouverture donc, de ça. Donc, il s'ouvre, il se ferme. C'est ça. Donc, tu peux pas savoir si le chat est mort ou vivant. Donc, en théorie, selon la théorie ici, il serait mort et vivant en même temps jusqu'à temps que tu ouvres la boîte, pour voir. OK. C'est un phénomène, c'est pas bizarre. Un phénomène, mais en fait une théorie, une expérience théorique célèbre en physique quantique, comme on disait. Donc le gadget que je vous présente là exploite cette propriété, entre guillemets, là, parce qu'on s'entend qu'il est pas mort et vivant, il est mort ou vivant, mais bon. Pour vous permettre de prendre des décisions sans trop vous stresser, c'est ça le but du prochain gadget. Donc vous posez une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et là vous ouvrez la fenêtre du Schrödinger's Cat Executive Decision Maker. Et si le petit chat virtuel qui s'y trouve est vivant, vous faites ce que vous avez promis de faire quand il était vivant. T'sais. C'est comme un genre de pile ou face, là, mais version ouais. Physique quantique. Ça coûte 30$ chez Tingy. Comme la boule, là. Il y avait une boule. La boule en 8, là. Ouais. La boule 8 ball de billard. Hein. C'est à peu près la même chose, mais avec juste deux choix de réponse. Soyez vivant ou soyez mort. Ah. Et bye. Maintenant, un micro de karaoké anti-bruit pour iPhone et iPad et autres appareils. Dans la catégorie... chose japonaise complètement stupide. C'est un accessoire pour iPhone qui vous permettra de chanter à tue-tête sans vous faire tuer la tête par les gens de votre entourage. D'accord. Il s'agit d'un microphone entouré d'un cône en uréthane qu'on place autour de sa bouche avant de chanter. Le cône empêche le son de sa voix de déborder. ce qui fait que vous pouvez chanter aussi fort que vous le voulez sans déranger personne. Mais par contre, ça vient avec un connecteur. Donc, vous branchez vos écouteurs et vous allez pouvoir vous entendre chanter vous-même. Évidemment. Ou l'enregistrer, peut-être. Peut-être. Je sais pas, j'imagine. Donc, le manuel d'instruction qui est en japonais seulement, mais pas très, très compliqué. C'est un micro quand même. Ça coûte environ 100$ chez Japan Trends. Ouais. Eh bien. Eh bien. Maintenant, tiens, j'oublie tout le temps de mentionner le problème qui va avec chaque affaire. Donc, problème. Problème. Tu veux regarder les étoiles. T'es un gars comme ça, profond. Peut-être, OK. T'as une grande âme et tout. Et tu veux regarder des étoiles, mais t'as pas de télescope avec toi. Mais par contre, t'as mis le bling-bling, donc pourquoi ne pas avoir une bague télescope? Hein? Une bague télescope. Oui, c'est Captain Jules Extraordinary Telescope Ring. C'est pour être pour jouer les pirates avec une bague. Et c'est un télescope, tout ça, avec des petites choses qui s'ouvrent, donc qui flippent comme ça. C'est comme un genre de rectangle avec des lentilles dessus qui s'ouvrent comme sur un genre de peinture, si on veut. Et tu peux ajuster le focus avec ça, donc par rapport à la distance. C'est vraiment glissant, là, comme ça. Quick. Et puis, ça fonctionne aussi comme loupe, si vous voulez. Et il y a même un compas, une boussole. Une boussole, oui. À l'intérieur. Et ça vient dans une belle petite boîte là, d'aluminium ou je sais pas trop quoi. Trois attachements pour ajuster la bague pour les doigts, dépendant de la grosseur de vos doigts. Donc, ça vient avec des adaptateurs pour ça. C'est super, hein? Télescope portable. Ben oui. Lance ça dans ton sac à dos, puis tu portes ça quand t'en as besoin, mettons. Ouais. En tout temps, je sais pas. T'sais. Non. Je pense pas. Pas très utile. Maintenant, je vais parler... C'est quoi le prochain problème? Ouais, prochain problème. Merci de me le rappeler. Donc, prochain problème, vous avez déjà... vous avez toujours voulu être Mario. Ouais. Bros, c'est Mario Brothers. C'est un rêve que tout le monde a. Ouais. Des fois, certains, c'est Luigi. Peu importe. Donc, un personnage de Mario. Et on a parlé récemment dans la chronique, c'est Smith, ça devrait répondre là, d'un bloc Mario, point d'interrogation, que tu pouvais... tu sais, ben, c'était juste un bloc. Je pense que c'était une lampe aussi. Mais il fallait que tu l'allumes à la main. Là, on se demandait tous, hey, quand est-ce qu'on va pouvoir sauter dans la lampe pour l'allumer. Sauter maintenant, avec la ça tête. Existe. Ah oh, ouais. Ça existe, Colin. C'est la Coin Block Lamp. Coin Block Lamp, c'était celle dont j'avais parlé la dernière fois. Je pense que c'était le mois passé. Ça, c'est pour les scènes, là. C'est pour les scènes, c'est ça. Non, je pense que c'était vraiment une lampe, elle aussi, mais il fallait l'activer avec un bouton de lumière. Mais celle-là, la nouvelle, là, c'est vraiment fait custom, comme ça. C'est une touch sensitive lamp, donc lampe qui va avec le toucher. En fond, que tu la touches, ça l'allume. C'est 6 pouces par 6 pouces par 6 pouces. C'est fait de plexiglas coupé au laser. Et c'est allumé, dans le fond, la lumière à l'intérieur, c'est des LED super éco-énergétiques et puissantes, exactement. Donc, la lumière est intégrée et suspendue à un cordon électrique de 11 pieds. Donc, vous pouvez l'accrocher après un crochet au plafond, brancher ça dans le mur. Et si vous voulez l'utiliser comme lampe de chevet, si on veut, il y a un petit stand, là, genre en acrylique, là, fait par eux aussi, qu'ils vendent à part. Finir par coûter cher. Donc, pour allumer ou éteindre la lumière, on n'a qu'à frapper, entre guillemets, tu sais, juste pas trop fort, là, en dessous du cube. Et tu vas être récompensé non seulement par la lumière du bloc, mais aussi le son. Ah ouais? Le ding. Le ting. En tout cas. Et à chaque fois. Est-ce que j'ai. Je l'ai pas mis sur l'autre ordinateur, le son, c'est quoi? Ouais, on l'entend pas. Et puis, qu'est-ce que ça dit aussi? Si tu fesses dessus 8 fois, tu vas avoir un one-up. Donc, c'est malade. C'est génial. Super beau. J'adore ça. Allez voir la vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. T'aimes Monsieur Patate, Madame Patate? Ouais. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils sont pas assez super-héros. Okay. Ils peuvent pas sauver de vie. Okay. T'sais, j'aimerais ça, moi, avoir un Monsieur Patate en Superman. Ouais. Mais maintenant, ça existe. Ah, bon. Et Madame Patate en Wonder Woman. Ça existe aussi? Ça existe aussi. Wow. C'est pas génial, ça? Allez voir. Je capote. Ils sont là. Génial. C'est 20$ en précommande. Ça va sortir à la fin de l'année 2012. Maintenant, vous vivez au Royaume-Uni, hein, mettons. Ouais. C'est quoi le problème? Ben, le problème, on va te dire c'est quoi ton problème. on va faire comme si c'était partout dans le monde, là. Ici c'est juste pour le Royaume-Uni, mais l'idée c'est vraiment bonne ici aussi. C'est que tu veux pas avoir à programmer tes émissions sur ton magnétoscope, là, ou enregistreur DVD, ou enregistreur numérique personnel, peu importe la compagnie. Ça c'est fatigant, il faut aller bip bip bip bip, c'est piton, puis ah ouais donc, enregistre-moi ça plus tard, une fois, ou tous les nouveaux épisodes, non. Tu veux que ça enregistre tout. Tout. Depuis les 7 derniers jours, tout. Toutes les postes. Toutes les postes et toutes les chaînes de télé, mais aussi toutes les chaînes de radio depuis les 7 derniers jours. C'est pour les gens qui ont Freeview TV au Royaume-Uni. C'est malade, là. C'est génial, c'est au-dessus de 10 000 émissions. Non, mais c'est que ce que ça fait, c'est que ça les enregistre toutes, ouais. Mais ça efface les anciennes, les plus vieilles. Donc, tout le temps, quand tu te rappelles que tu avais quelque chose à regarder avant-hier, puis tu l'as raté, tu vas l'écouter. Pas de l'écouter. Peu importe le poste. Ouais. L'idée est bonne. Ouais. Ça va coûter hyper cher parce que là, je vois genre 2000 livres et j'ai pas calculé si ça faisait combien en dollars canadiens. Ah, 3005 à peu pour près. Pour elle, en tout cas, c'est plusieurs milliers de dollars, je me disais. Mais pour enregistrer 10 000 émissions à la fois, imaginez, là, présentement, avec les machines qu'on a, on peut en enregistrer deux ou peut-être trois à fois. Là. Puis ça coûte quand même relativement cher aussi. Fait que multiplie ça par 10 000, là, toi, non? Ça vaut pas mal plus cher que ça, finalement. Ouais. Donc, je sais pas comment ça fait pour enregistrer 10 000 programmes en même temps, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, côté négatif, c'est que c'est laid. À part le prix, Évidemment, ouais. Je pense qu'on a tout compris que c'est négatif. Mais c'est laid parce que ça ressemble à un genre de Gérald des années 80. Tu sais, le contreplaqué, là, un peu comme un station wagon. Ouais, ouais. Ça ressemble vraiment à ça. C'est pas très beau. Donc, c'est ça. C'est un très bel appareil. Et la télécommande a l'air de venir des années 80. Je sais pas pourquoi. Là. Ça devait être. Peut-être qu'ils se sont dit, on va viser les vieilles personnes avec ce gadget-là. C'est parce que les vieilles personnes ne veulent pas avoir à programmer leur appareil. En même temps, je pense pas que les vieilles personnes. Ont besoin de regarder toutes les émissions. Ils sont déjà à la maison, pareil. C'est bizarre. Ouais. 2000 livres, c'est 3132. C'était proche quand même. Ouais. Bravo. Canadien. OK, prochain problème, François. T'es comme un ninja, toi. On sait. Toutes les étoiles ninja, les petits nunchucks, là, c'est. Flexible comme un ninja. Oui, c'est ça. Ninja, c'est connu, ils sont tous flexibles. Ils font des spits dans les airs. Ouais. Mais ici, c'est que t'es comme un peu redneck en même temps, tu sais. Ouais. Mettons, là. Donc, toi, t'as besoin d'avoir la bière à ta main et ta camisole. Ta camisole toute mouillée, là. Ouais. Là. J'ai à peu près 20$. C'est à peu près 20$ environ, mais c'est le budget que t'as. Donc, pourquoi ne pas acheter les can chucks, hein? C'est des nunchucks, mais avec des canettes de bière. Comme Budweiser ou Bud Light. Mais vides. Mais vides. Et en plus, non seulement ils sont vides, mais en plus, il faut que tu achètes toi-même faut que tu la fabriques toi-même, premièrement, parce que ça vient avec juste certaines affaires, genre la chaîne, des affaires comme ça. La mousse qui va dedans ne vient pas avec, parce que c'est quand même assez essentiel d'avoir cette mousse-là. C'est de la expanding mousse, là, qui fait que ça va faire moins mal. J'imagine la personne que tu vas frapper, je sais pas trop quoi. Donc, ça coûte 20$. Ça vient avec une vidéo qui vous aide à assembler ces canchucks vous-même. Eh bien. Un projet de 10 minutes. La ça existe, dit que... mais ça devrait pas. Hein. Eh bien, c'est d'où le nom, hein? C'est un peu ça, c'est ça. Même chose pour le prochain. Encore une fois, je te laisse dans ton personnage de redneck. T'as besoin de transporter ta bière en tout temps, mais t'as pas assez de main. Là. Ouais. Tu sais, parce qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je le casse avec les deux chaque bord. J'avoue, mais ça, il y en a qui pourraient dire que avec ça manque de classe un peu, tu sais. C'est visible, en tout cas. Au volant, c'est bizarre. C'est cliché un peu, tu sais. Tu veux pas non plus, tu sais, nuire à ta race là, de rednecks, tu sais. Bon. Donc, à la place, t'achètes une affaire de cowboy. Comme une affaire pour tenir ton fusil, là. Comment t'appelles ça, une affaire pour mettre ton fusil, là? Ta ceinture. Une ganse. Une ganse à fusil. Mettons, là, c'est une ganse à bière. Ça fonctionne avec n'importe quel breuvage de 12 onces. OK. Facile, comme ça, tu peux faire du barbecue, flipper des boulettes. Tu sais? Flipper des boulettes. Boire flipper des boulettes. Flipper des boulettes. C'est ça, c'est le fun. Ouais. C'est le beer holster. Bien pratique. Bien pratique. Bien pratique. Mm-hmm. OK, prochain problème, c'est que t'es un fanatique de petits carrosses d'épicerie. Ouais. Petits carrosses d'épicerie, mais à la maison, t'en as plus. À moins que tu l'aies volé à l'épicerie, ce que bien des gens font dans certains quartiers de Trois-Rivières. Tu vois des paliers d'épicerie sur le bord des rues tout le temps, ça arrive. Mais ce serait dans le fun de pas avoir à se forcer pour pousser, parce que ça fait mal au dos des fois, t'sais. À la place, un petit genre de carrosse téléguidé que tu peux transporter des affaires dessus. Tu sais, mettons, ouais. Un petit toutou, un petit porte-crayon, tu sais, mettons. Ben c'est ça, ça a pas de l'air gros, hein? Non, vraiment pas. Boy. C'est par le porte-crayon que je me suis dit, ben c'est pas si petit, mais... Hey boy. Quand même, ça coûte combien? Je veux savoir combien ça coûte. Ça a pas de prix! Non, ça a un prix, ça, c'est sur Japan Trend Shop, ça coûte 41$ américains, OK? C'est pas chupé, là. C'est pas chupé. Ils ont mis une caméra dessus, donc ça a l'air quand même, à moins que ce soit une petite caméra, mais quand même... C'est super facile à contrôler, ça vient avec la télécommande. Une batterie dans la télécommande, une batterie dans le carrosse lui-même. Et puis vous allez pouvoir livrer des affaires d'une pièce à l'autre, peut-être. Tu sais, peut-être que, mettons, dans une pièce, tu peux demander à ta blonde, « Hey, mets-moi une bière, c'est mon carrosse. » Ça me prend une bière dans ma gang ou sa bière? « Mets-moi une bière! Grâce à bière! » Hey, là, faut que tu toutes ces affaires-là ouais, en même temps. Ça va tout ensemble. Pas noter juste un. Non, non. Mon petit cheese, c'est comme juste un gros besoin que tu nous crées, Mathieu. Ben, c'est le but, hein, c'est le but. Celui-là, peut-être qu'il va pas autant t'attirer, mais en même temps, je te connais pas assez pour savoir ce que tu fais la fin de semaine et les soirs. C'est une nouvelle façon de rendre vos cils tellement beaux, là. C'est une mode, apparemment, que ça s'en vient, cette affaire-là. Ça s'en vient? Ça s'en vient. C'est les paper eyelashes, là, inspirés par l'art du... peut-être de l'origami, j'imagine, mais c'est le Chinese paper cutting qui est une façon de couper du papier pour faire des formes super jolies. Là. C'est pas vraiment de l'origami, c'est comme une autre affaire. C'est comme tu découpes et ça fait des formes, là, en tout cas. Donc, c'est des extensions pour vos cils. Incroyablement détaillées. On voit dans l'image que je vous ai postée sur assemblagerequis.com, ça ressemble à genre des branches d'arbres, peut-être avec des petits papillons dedans. Là. Ouais. Ou sinon, ça peut ressembler à des cornes d'orignal. Mais ça, c'est bizarre. Hein? Tu sais, depuis des années, ils annoncent que, écoute, du mascara, ben, ça te fait allonger les cils ouais. De plus en plus. Hein, maintenant, il faut pas virer fou. Hein. Volume lash par an. Je sais pas, t'en as tellement en plus. Mm. Puis ils doivent faire l'argent, là, parce qu'ils font beaucoup de publicité. Mm-hmm. Je sais pas. Je sais pas, on n'est pas là-dedans, nous autres. Non, vraiment pas, on est très loin de ça. Très, très loin, mais en même temps, nous, on voit ça, puis on se dit, crime, c'est bon, mais on sait pas si c'est ça, tu sais. Ben non, mais c'est ça. On sait pas si son fake, tes faux longs cils, ou des vrais longs cils, on sait pas. C'est ça. On termine avec une bonne façon de. Mettons, t'as un coloc, parce qu'on s'entend, les étudiants ont souvent des colocs, tu sais, pas beaucoup d'argent, frais de scolarité qui monte, etc. T'as besoin de sauver de l'argent, t'as un coloc, mais tu veux pouvoir faire des choses, là, squeak, tu sais, en secret, là, en cachette. Puis squeak, dans une chambre partagée. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, pourquoi ne pas acheter ce petit genre de produit-là? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le Privacy Pop, voilà. C'est une petite tente qui est faite pour aller sur la plupart des lits qu'on trouve dans des dortoirs ou dans des chambres pour enfants. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous sépare de vos voisins comme une tente. Hein? C'est sûr que ça empêche pas le son de passer pour faire du squeak, là. Mais en même temps, au moins, ça vous cache de la vision des gens. Vous n'êtes plus dans leur champ de vision. Et aussi, ça peut servir à d'autres choses. On nous dit peut-être utiliser son ordinateur portable dans le noir sans réveiller les autres, des trucs comme ça. Donc, ça a plein d'utilisations. Ça fonctionne sur des lits Twin et Twin XL. Et c'est facile à transporter parce que ça se met vraiment comme une tente dans un genre de sac qui vient avec. Ça coûte 100$, c'est disponible maintenant. Et ça règle un problème, ça, je pense. Ouais. J'avais ça, moi, quand j'étais jeune, une petite tente sur mon lit. Ah ouais? C'était rouge. Tu faisais squeak? Non, pas de squeak. D'autres choses. D'autres choses? D'autres choses. OK, on enchaîne. Bien pris. Okay. Donc voilà pour la chronique Saint-Smith, ça devrait pas. On a des gadgets pour tous les goûts. Hein? C'est comme le slogan. Là. Pas vraiment un slogan pour ça. Là. Non. Hey, merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Fort intéressant ce matin. Tantôt à l'émission, on va avoir Simon Fitzbay pour parler de musique. Et en fait, on va parler d'un DJ. DJ. Murray the K. Okay. Dans sa série sur... Ah, t'as dit K. OK. OK. OK, Murray okay, the K. Murray. Ouais. Sa série sur les disques jockey. Mais pour l'instant, on écoute Hani El Khatib. Voici Build, Destroy, Rebuild. Sur C'est fou. Donc, what to do. Gotta build, Ça fait l'unanimité pas mal, ça. Moi, j'adore ça. Mm-hmm. Topanga. C'est comme ça que tu le prononces? Ouais. Topanga, la pièce Fogo Allen. Ben oui, tout à fait. Leur maxi s'appelle Oceans. Oui, ça vient de sortir, je pense. Oui. Et puis, ils vont être en spectacle le 2 mars prochain à Montréal, à l'Escogriffe Café Bar. Donc, avez-vous intéressé? Super. Bien, merci. Aller. Ben oui, ben, ça le fait. Vraiment goût d'y aller. Il y a seulement 6 pièces sur le maxi, donc on a hâte d'en entendre d'autres de ça par les prochains jours et par les prochaines semaines. Ouais. Je pense que je vais le voler en fin de semaine. Oh! Ouais. Faut pas le dire publiquement. Mais je vais le ramener. Ah, c'est pas un vrai vol. Uh-huh. Donc, c'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec Simon Fédibé, sa chronique Phénomène sur les disques jockeys. On continue cette série-là et c'est Murray the K dont on parle aujourd'hui. Donc, à cela et plus tard, François Landry il va nous parler de la CAQ. Politique! Oui, plein de choses, hein. On l'a dit tantôt. Nouvelle du NPD, de la juge Charbonneau, de la CAQ et des élections générales. Pauline? Pauline est où? Toi, s'il n'y a pas de Pauline, hein, c'est comme une poutine sans fromage. Parle-moi de Pauline, s'il te plaît. Oh. Hey, mais elle rebondit. Elle rebondit, Pauline. Ah ouais? Ouais. Eh ben. C'est rempli de rebondissements, cette émission-là aussi. Hein. Restez là! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Une minute en ce jeudi 23 février 2012. C'est donc la deuxième heure de l'émission. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Oui, notre deuxième heure va être super chargée. Donc, pendant qu'on a le temps encore, on va s'écouter un petit peu de musique. Là. Oui. Oui, on écoute Salomé Leclerc. Oui, certainement. Voici... Avec la pièce Ne revient pas. Ben, c'est ça. Ne revient pas. Mais revenez quand même. Ben, c'est ça. Partez pas. Non. Pourquoi partir? Je comprends pas le. Non. À moins que tu aies un cours même là, non. Ben non. Non. Tu peux attendre ton cours. Ils vont t'attendre avant de commencer, c'est ça. Oui. Ah, t'as un peu, pas encore. T'as qu'à ne pas te tourner. Tu me verras jamais ramper dans la boue. T'as qu'à éteindre le jour pour ne pas voir. À mon cou, va déposer les armes au fond des bois. Surtout ne reviens pas. Thank you. entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Passer sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Allez creuser, allez crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. David Giguère, la pièce Encore sur l'album ICO à Assemblage requis. Et maintenant, François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Là. Oui. C'est nous autres? Là? C'est nous autres. Ben, on va avoir quelqu'un de plus dans l'équipe. Oh! Fait que Simon Fitzbay, phénomène! Bonjour Simon. Bonjour messieurs, ça va bien. Bon matin. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous aviez l'air de trouver ça drôle? C'est quoi mon introduction de mal? Non, c'est parce que je me grattais le nez. En fait, je pense que c'est seulement ça. J'ai le nez qui pique ce matin. Ah, t'es sûr que c'était pas un signe? Non. Chose, des fois, c'est des. Au baseball, là. Ouais, le doigt en dessous, c'est la joke à Mathieu était pas bonne. ok. C'est le côté. Ça me semblait aussi que tu faisais ça souvent. En fait, c'est pas une blague. Donc, Simon Fitzbay avec sa chronique Phénomène. Aujourd'hui, tu continues ta série sur les disques jockeys célèbres de l'histoire. Effectivement, mais non, mais en fait, j'ai écrit un texte qui s'appelle J'ai un MacBook Air, donc je suis, donc j'aimerais ça les faire à plat. Petit clin d'œil, une collègue. Non, mais c'est très bon le texte à Jasmine Raymond-Dréville en passant. Et vous pouvez aller le lire sur la page Facebook d'Assemblage requis. Yeah. Il y a aussi son extrait audio de ce qu'elle a fait sur sa page à Jasmine Raymond-Dréville. Très important d'aller écouter ça au moins pour. À déformer. Mais oui, vous pouvez l'écouter sur votre iPhone si vous voulez. Dans le sérieux, dans le concret, on continue notre série sur les animateurs de radio, les grands animateurs de radio qui ont marqué l'histoire. En fait, c'est que le monde de la radio, messieurs, regorge d'exemples qui ont de près ou de loin influencé sur le monde de la radio tel que nous le connaissons aujourd'hui. Non seulement certains animateurs ont réécrit le manuel de la radio, mais ils ont aussi joué des rôles extrêmement importants dans le monde de la musique. La semaine dernière, nous avons vu... La semaine dernière, nous avons pu voir comment John Peel a influencé les goûts des Britanniques pour le rock. Cette semaine, nous verrons comment Murray de Kay a joué un rôle prédominant dans la diffusion du rock and roll auprès des jeunes de la jeunesse américaine. Il fut important au point tel qu'on en est venu à l'appeler le cinquième Beatle. Oh! C'est quand même pas rien, ouais. On pourrait dire qu'il y a eu un rôle clé. Un rock and roll clé. C'est ça. Mm-hmm, ouais. Donc, Murray Kaufman a toujours été dans le milieu des arts. En fait, sa mère était pianiste et compositrice de vaudeville, alors qu'une de ses tantes était actrice au cinéma. C'est d'ailleurs grâce à elle que le jeune Murray Kaufman devient enfant acteur dans les années 1930. Il fut éduqué à l'école militaire et s'enrôla dans l'armée. En tant qu'adulte, il était chargé de mettre sur pied des divertissements pour les troupes. Donc, il n'allait pas tirer les ennemis. Lui, il faisait des shows de USO. Divertis. Ouais, exactement. Pour après ça, les autres les tuaient. Oui, exactement. On en profitait pour faire des embûches. Et, il s'est rapidement retrouvé dans le monde de la musique dans les années 1940 en travaillant comme song plugger. En gros, un song plugger, j'ai pas trouvé l'équivalent français. Ouais, c'est quoi en fait, ça? Pour ça c'est un brancheur chansonnier. Un brancheur, ça serait un bon exemple, en fait, puisqu'il s'occupait de convaincre les animateurs radio, comme toi, vous et moi et tout. De faire jouer des pièces, exactement. En fait, il allait voir les animateurs, les programmateurs des stations pour donner du temps d'antenne aux chansons et aux artistes qu'ils représentent, tout simplement. Comme ceux qui font du tracking. C'est ça, parce que là, en 2012, les tracking, c'est fatigant, à maudire, sur le téléphone des autres. Ouais. Dans ce temps, il y en avait moins, puis c'était peut-être plus sympathique. Ah, puis il y a même des artistes maintenant qui font leur propre tracking parce qu'ils n'ont pas l'argent pour ça. Mais en fait, on pourrait dire que c'est devenu du tracking à la longue, le song plugging. C'était le terme de l'époque. Donc, c'est d'ailleurs avec ce job qu'on lui a ouvert les portes de la radio. Il devint rapidement producteur pour des émissions de fin de soirée à la station WMCA de New York. Il en profitait également pour animer des émissions de radio à cette même station. Il fut tellement proéminent dans son poste de disc jockey qu'il fut à la tête de l'Association nationale des DJ, la National Conference of Disc Jockeys, pendant les années 1950. Oh, oui, c'est ça. Il s'est quand même assez haut et assez rapidement dans le monde de la radio. C'est quand même assez incroyable. Il rencontra plus de popularité en 1958 alors qu'il fut engagé par Winds AM pour remplacer Alan Freed, notre sujet de la semaine prochaine d'ailleurs, qui sera très très intéressant. On va comme à l'envers ici, c'est ça le fun. Et donc, Alan Freed venait de se faire pincer en pleine disgrâce pour cause d'évasion fiscale. Ça aussi, ça se casse. Tu dévoiles des punchs, là. Ben oui, non, parce qu'on sait tous qu'Alan Freed, ça se termine mal, mais on sait pas pourquoi. Non. Donc, il a eu l'honneur de remplacer Alan Freed dans les très prestigieux emplacements de 7h à 11h du soir, alors que la radio est encore un médium des plus importants dans les foyers américains, où il animait de swinging soirée. Il fut le premier animateur à utiliser les effets sonores, des jingles, entre autres, entre ses segments d'émission plutôt, ainsi que des rengaines d'animateurs faisant de lui ce que l'écrivain Tom Wolfe qualifiait de DJ hystérique et original. Someone, everybody, this geezer is rocking tonight. Gonna raise up the rope till the breeze of daylight. Raise up to the left, raise up to the right. Tease up, teaser, screw all right. When you're in school and you wanna get a message across, here's a brand new language, man, it's really boss. Yeah. Put E-U-S-F-N, first letter. Come on, cats, let's put them together. Missouri, Missouri, brand new beat. Missouri, Missouri, new top tree. Baby, say, love me so. Kiss, kisses, hug, he's up. Bobby, be sobby, Tony, be sonny. When you're alone in the dark with your B-Say, and you wanna let him know just how much you care, say be a save, I leave of yourself. Woo! Hey, leave of I won't ever let you go. Marry me, Surrey, Dwayne, be Zane, Ricky, be a sicky, Johnny, be a Zani, Frankie, be a Sankey, Elvis, be a Elvis, Vinny B. Zinny. Don B. Zinny. Il s'agit ici de The Delicates, un groupe qui a enregistré cette pièce Misery, M-E-U-S-U-R-R-Y. C'était justement une façon de prononcer de Murray Dickey. C'est une pièce qui a été écrite, entre autres, par Murray Dickey. Ça a servi d'ouverture à son émission de Swinging Soirée pendant plusieurs années. Et c'est donc associé beaucoup à lui, qui a écrit des chansons. D'ailleurs, on pourra en reparler d'ici la fin de cette chronique. Bien sûr, qui s'intéresse à Murray Dickey, animateur radio, et c'est dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Reiki, avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Allô! Bonjour! Bonjour! Et donc, Murray Dickey, comme animateur de radio, fut rapidement une des plus grandes coqueluches de la radio en rejoignant des millions d'auditeurs de soir en soir. Il jouait une variété de pièces musicales allant de Frank Sinatra jusqu'à l'émergent rock'n'roll qui ravageait la jeunesse de l'époque. D'ailleurs, Murray Dickey fut un des premiers animateurs américains à donner une chance à un jeune groupe britannique de Liverpool nommé, je sais pas si vous connaissez, mais c'est The Beatles. De quoi? Beatles. Love me do, whoa, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please. Love me do, whoa, love me do. Il s'agit ici de Love Me Do, bien sûr, des Beatles, le Radio Edit, comme on dit en bon français. Ah oui, version radio. Le simple radio, effectivement, qui a été le premier simple des Beatles aux États-Unis. Okay. Love Me Do, donc, ça n'a pas connu un succès instantané, disons. Il a fallu attendre que la compagnie Capitol, finalement, reprenne les Beatles parce qu'ils ont été signés sur, je crois que c'était Verve au tout départ, qui était une compagnie de jazz. Okay. Qui avait lancé les premiers 45 tours des Beatles, ça n'a pas tout enlevé, mais Murray Dickey, lui, avait vu le potentiel. Et d'ailleurs, Murray Dickey, c'est le thème d'aujourd'hui dans Phénomène dans le cadre d'Assemblage Rocky avec Mathieu Plante, François-Olivier Marchand. Rebonjour. Et Simon Fitzbé. Rapidement. Oui, Simon Fitzbé, c'est moi ça. Non, c'est correct. Et donc, bien que les Beatles n'aient eu besoin de personne, en fait, pour devenir ce qu'ils sont devenus, on peut facilement attribuer une partie de la Beatlemania telle qu'on la connaît à Murray Dickey, qui fut non seulement un des premiers animateurs à faire jouer ce groupe, à juger obscur, bien sûr, selon les standards d'aujourd'hui, plutôt les standards de l'époque, en fait, hein, n'est-ce pas? Underground, petit lapsus. Ouais, c'était très underground, en fait, dans les années 63, début 64. Non, pas début, en tout cas, bref, en 63. Il participa de près à cet engouement également relié aux Beatles, qui a marqué l'histoire de la musique, entre autres, en mettant en place l'heure Beatles, un décompte basé sur l'heure de Liverpool qui avertissait les auditeurs de la station du temps restant avant que les Beatles mettent le pied en Amérique pour la première fois le 7 février 1964. Ils ont mis le pied comme ça. Là, la main de l'homme où il n'a jamais mis les pieds. C'était comme... Oui, exactement. C'est bon. Ouais. On enfonce. Murray fut le premier animateur radio américain à accueillir les Beatles aux États-Unis lors de l'arrivée cette journée-là. Mais le DJ, ils avaient déjà rencontré un mois auparavant en Angleterre alors qu'il accompagnait les Ronettes, le trio de chanteuses américaines sur lesquelles il réalisait un reportage dans le cadre de leur première tournée en Angleterre. Kaufman fut invité à assister au premier passage des Beatles au Ed Sullivan Show le 9 février, alors qu'il attendait plutôt la formation derrière le studio, en fait en arrière-scène. En plus d'avoir accompagné le groupe à chacun de leurs arrêts pendant leur tournée américaine, il a aussi produit une émission de radio en direct de la chambre d'hôtel de George Harrison, alors que le groupe était à Miami. Et d'ailleurs, il était le co-chambreur de George Harrison lorsqu'ils étaient à Miami. Ouais. Donc, c'est comme si nous autres présents... Ben, c'est comme si toi, Mathieu, tu suivais Cœur de pirate en tournée en France, puis que tu étais co-chambreur avec Cœur de pirate. C'est cool, quelque chose, ouais. C'est pas déplaisant. Donc, à force d'être dans l'entourage du Fab Four, Kaufman s'est attiré le titre de 5e Beatles. Titre que le groupe lui a attribué lors d'entrevues de conférences de presse alors qu'il était constamment avec eux. Murray Leakey a d'ailleurs passé une bonne partie de l'année 1964 à voyager entre les États-Unis et l'Angleterre à l'invitation des Beatles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été probablement le premier à se faire appeler le 5e Beatles. Et d'ailleurs, je vais préparer une chronique là-dessus quand on aura fini les la radio. Sur les 5e Beatles, parce qu'il y en a plein. Mm-hmm. Mais Murray Leakey, je crois, est le premier vraiment à qui on peut poser cette étiquette. Donc, il avait une très bonne relation avec le groupe. Oui, effectivement, malgré le fait que, selon certaines rumeurs, John Lennon ne s'entendait pas bien. En fait, n'aimait pas Murray Leakey. Il trouvait justement que c'était un gars qui profitait de leur succès et qui... Pour faire son succès. Ouais, c'est ça exactement. Donc, c'était juste un petit journaleux de rien. Mais il faut dire que John Lennon avait la tête enflée, surtout lors du passage des Beatles en Amérique. Donc, Kaufman fit le grand saut du AM au FM en 1965, alors que sa propre station, Winds AM, se préparait à le faire. Il devint directeur de la programmation de War FM, W-O-R, plutôt, FM. C'était en février 1965, une des premières stations à faire tourner exclusivement du rock sans interruption commerciale et en faisant des liens entre les chansons et les artistes ou présentant également plusieurs pièces d'un seul artiste. Donc on se rapproche un peu de ce qu'on a connu là dans la radio. C'est d'ailleurs en tant que chef d'antenne de cette station que Murray Leakey fit connaître Bob Dylan, beaucoup plus électrique que ce qu'on est habitué d'entendre, bien sûr, et une Janis Joplin en pleine expansion. Il fut un des premiers à cesser la présentation de simple et à renier en fait son premier job de soundclogger en stipulant qu'on n'avait plus besoin de pousser un artiste ou une chanson puisque la musique parle pour elle-même. Hmm. C'est quand même assez bien. Hein? C'est une mentalité qui s'est installée dans les années 70, surtout dans les stations rock. Et en 1970, alors que WOR-FM se préparait à changer son format du rock à une musique dite « oldies », de la musique plus vieille ou la musique pour les vieux, Murray renonça à son poste pour devenir animateur à Toronto pour CHUM, puis une autre station également à Washington. Il a été brièvement seulement à Toronto. Évidemment, pas confondre Chum et Chum. Non, Chum. Chum. Chum, qui est quand même une grosse station dans le Canada anglais, là, qui je pense, c'est encore du rock classique. Mais à l'époque, ça devait être du rock, bref. Il fut brièvement animateur également à Washington. Et de retour à New York, 2 ans plus tard, il fit la rotation à WNBC. Donc, NBC qu'on connaît pour la télévision. Mm-hmm. C'est également un poste de radio au départ. Ouais. Il changeait d'horaire en horaire et fut brièvement également animateur d'une radio indépendante à WKTU-FM. Mais par la suite, il s'envola pour Los Angeles pour animer une émission basée sur la musique des années 60, celle qu'il connaissait le plus et qui a été d'ailleurs une émission présenté partout en Amérique. C'était donc sa première grande émission d'envergure puisqu'il y avait souvent été seulement dans la région de New York. Bien qu'il fût un peu de télévision également pendant les années 60 et qu'il produisit également des albums en tant que compositeur et que de producteur également, Murray Leakey fut définitivement un homme de radio. Et c'est ce médium qui fit lui le 5e Beatle, bien sûr, et qui a bâti sa renommée. Il a su paver la voie en étant audacieux, mais également en adoptant un style d'animation des plus originales, nous offrant la radio telle que nous la connaissons aujourd'hui. Lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Oui, donc, il s'agissait des Ramones avec la pièce Do You Remember Rock and Roll Radio? Pièce enregistrée en 1980 sous les menaces du fusil de Phil Spector. Ça se retrouve sur l'album End of the Century, produit par Phil Spector. Phil Spector qui a été un peu maniaque. Bref, je vous en parlerai peut-être une autre fois de cela. D'accord. Mais c'est une pièce qui rend hommage donc à ces stations rock'n'roll, stations FM, donc qui ont fait la renommée, entre autres, de Murray Duckey. On fait mention, d'ailleurs, de l'animateur, également d'Alan Freed dans cette pièce-là. Et je vais essayer de me forcer la semaine prochaine pour avoir une autre pièce des Ramones qui aura rapport avec le thème. Mais ça va être peut-être un peu plus tough. Ça va être... Mais bref. Ouais, ouais. Voilà. Donc, Alan Freed la semaine prochaine. Alan Freed la semaine prochaine. Dans ta série sur les disques Jockey dans Phénomène. Mm-hmm. Merci Simon, on va te retrouver à ta prochaine émission. On va y aller dans l'ordre temporel. Comme toujours, le lundi, Catalepsie entre 20h et 22h, lundi soir. Oui, effectivement, mais on va être en relâche la semaine prochaine puisque j'ai un empêchement, mais on sera de retour début du mois de mars et nous allons continuer, mais en fait terminer notre série sur le mois de l'histoire afro-américaine avec de la musique, bien sûr, créée par les Afro-Américains. On va écouter un peu de funk. D'accord. Et je doute pas qu'à un moment donné, peut-être mercredi à 13h ou samedi à 18h, on va sûrement repasser des vieilles émissions de Catalepsie, j'imagine. Mais j'espère. Je promets rien, mais d'habitude, c'est ce qu'on ça fait. Devrait. T'as aussi album classique les vendredis matins à 10h, juste avant Rock Classique. Effectivement, et d'ailleurs, bien vendredi matin à 10h, on va vous présenter l'album Arthur or the Decline and the Fall of the British Empire, album enregistré par les Kinks en 1969. C'est un album concept qui avait déjà été présenté dans le cadre de ma première émission, leur C'est fou. Concept. Ouais, mais j'aimerais revisiter cet album-là parce qu'il est très bon, mais je l'avais comme un peu massacré lorsque j'avais présenté cet album-là dans le temps. Ah oui? Ouais, donc je me repens. Est-ce que tu vas ressortir les archives pour montrer ce que tu avais dit? Non. Donc c'est album classique vendredi matin à 10h, ça repasse les mardis à 17h, et notez le nouveau jour, nouvelle heure pour la rediffusion de la fin de semaine, c'est le dimanche à 16h. Oh, plutôt. Voilà. Cool. Et un autre jour. Ah, ben c'est... Ah, parfait. Ça a changé parfait. De... Juste rajouter un peu plus de pression, ça me dire que je vais jouer plus souvent. C'est bon. Non, c'est ça. Allez, changer de place. Donc, Simon Fédibé, merci beaucoup. On te retrouve jeudi prochain pour notre édition de Phénomène, jeudi à 8h. Merci. Oui. Merci, voilà. merci. On prend une pause et on revient avec François Landry. François Olivier Marchand, hein, n'est-ce pas? Ben oui, certainement. C'est, ben, c'est difficile avec deux François. Hein? Oui. Faudrait être. On va t'appeler. T'as pas un deuxième nom, genre Serge, comme moi, non? Serge? T'appelais Serge. Moi, t'appelais Serge. Toi, c'est Serge? Mathieu, Serge. Cousiné en plan, moi. Tu as trouvé un nouveau surnom. C'est ça, t'aurais pas dû me dire. Joseph Mathieu Serge. C'est sûrement Serge. Ouais. On pourrait t'appeler Serge ou Bianca. À cause de la toune. Elle s'appelait Serge. Ouais. Mais bon, Serge, ça te va bien quand même. Merci, bon, oui, regarde, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Ah, cool. Est-ce que. Serge. Bon. Ouais. Bon. Donc. Serge Tousignan. Plante. Ouais. On s'en va en publicité, Serge? Ouais, le bouton monte seul. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, il est 8h33. On accueille chaleureusement mm-hmm. en studio. Ouais. François Landry. OK. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Plante. Bon matin. Ça va bien? Ah, OK, oui, ça va bien. Et Colin, ça va bien. Ça continue bien une chronique, hein? Oui. Pourquoi ça va si bien que ça? Hein? J'ai plein de petits sujets à vous conter au lieu de vous casser les oreilles avec juste la CAQ, comme depuis 2-3 semaines. Mais ouais. Là, j'en ai parlé un petit peu de la CAQ, j'en ai parlé un petit peu des élections, un petit peu de la juge Charbonneau et un petit peu du NPD. Donc, comme disait Mathieu en micro fermé, un ragoût politique. Miam, hein? Ça, c'est bon, des gros morceaux de viande juteux. Des patates. Deuxième fois que j'ai dit mon patate dans l'émission d'aujourd'hui, bizarre quand même. OK, un trio de patates. Troisième fois parce que tu l'as répété. C'est un peu ça. OK, boy. Bon, donc, plusieurs histoires, on commence par une joke. Non, je commence pas par. Pourrait, mais ça serait méchant pour le NPD faire une grosse job. Parce que, oui, je parle du NPD, ils ont dévoilé leurs chiffres cette semaine parce que les membres ou la population avaient jusqu'à samedi dernier pour devenir membre du NPD pour pouvoir voter pour le prochain chef du NPD. On s'en souvient parce qu'au Québec, c'est pas très populaire ces temps-ci, là, qu'il y a une course à la chefferie au NPD. Ils ont été à Québec dernièrement, je pense. Dernièrement, ils ont fait. Oui, ça n'a pas soulevé les foules. Non, il n'y avait pas grand monde. Dans les médias, ça a peu sorti. Ça a été très poli, très politically correct. Il n'y a pas de dérapage au NPD parce que c'était la volonté des candidats de dire on ne lavera pas notre linchal sur la place publique tout le monde, ouais. Parce qu'on ne veut pas se déchirer comme le Parti libéral l'a déjà fait dans le temps lors de Ignatieff, Dion et compagnie qui se battaient et Bob Rae aussi pour la chefferie du Parti libéral. Parce qu'après le lendemain du 24 mars, ils devront travailler ensemble ouais, au lieu de créer des familles où des tensions pourraient subsister pendant des années encore. Ils ont dit, parfait, on va faire ça softly, donc tout en douceur, pour que le lendemain, on soit une puissance brute à la Chambre des communes. Mais c'est tellement... Mais ça soulève pas les passions. C'est tellement gentil, justement, qu'il n'y a pas d'intérêt. Moi-même, qui est un fan de politique, et je suis certain que vous autres aussi, Simon aussi, c'est plate, honnêtement. Là, c'est pas... Ouais, c'est ça. La course est peu intéressante. Elle n'est pas intéressante dans le sens que... Pas intéressante, mais elle est peu intéressante. Il n'y a pas de jus. On parlait de ragoût, il n'y a pas de jus. De bouillon. Tu sais, de bouillon, là. C'est sec. Mais oui, donc on avait jusqu'à samedi dernier pour devenir membre du NPD, pour voter. Le vote, c'est le 24 mars prochain. Et au Québec, Thomas Mulcair, qui lui, il était le porte-parole de la province, disait « Je veux avoir 15 à 20 000 nouveaux membres ». Il y a presque... son objectif a presque été atteint. C'est 12 266 membres au Québec. Quand même, puisqu'on s'entend, on était à 3 000. Juste des nouveaux, là. Juste avant la victoire du 2 mai dernier, là, il y avait 3 000 membres au Québec. Là, on a quadruplé. On est passé à 12 300, là. Donc, c'est quand même bien. Mais il faut se rappeler qu'en politique, plus on vend de cartes de membres, plus de chances on a de se faire élire. Parce que si Thomas Mulcair t'approche, dit que... deviens membre, je te vends une carte, tu vas voter pour moi, oui. Tu sais, ça marche de même. Donc, Thomas Mulcair 49 si tu n'achètes pas de billets. Exactement. Et si Thomas Mulcair te vend un 649, tu vas être porté à lui en donner peut-être un petit peu. Tu sais, voilà, pas, ben oui, donnant. Mm-hmm. Donc, Thomas Mulcair qui pourrait avoir 13 000 votes au Québec, mais ça m'étonnerait beaucoup parce que. Est-ce que 13 000 personnes vont se déplacer pour voter ou est-ce qu'on va voter par la poste, par courriel? Est-ce qu'ils vont le faire? Juste à se rappeler, le Bloc québécois récemment qui a aussi eu un nouveau chef d'élu, il y a seulement 38% des gens qui ont voté. Donc, c'est pas beaucoup là, pour Daniel Paillet. Donc, est-ce que pour Thomas Mulcair, il y a une base solide au Québec? Je ne croirais pas. Dans l'Ouest canadien, par contre, c'est l'Ontario, l'Ouest canadien, oui, c'est le centre canadien, l'Ontario et la Colombie-Britannique sont les deux châteaux forts du NPD. À eux deux, cumulent 60% du membership du NPD. C'est ça, parce que dans les prairies, c'est pratiquement mort. Écoute, j'ai les chiffres ici. Colombie-Britannique, c'est 30,2% du membership NPD. L'Ontario, c'est 28,6%. Okay. Ce qui est, bon, on s'entend pour le tiers. L'Alberta chute à 15%. Ensuite, le Québec à 9,5%. Ah, ouais. Donc, dans les maritimes? Dans les maritimes, écoute, Nouveau-Brunswick, 0,7%. Oh, OK, c'est rien. Du tout. Nouvelle-Écosse, 3%. Et Territoire du Nord-Ouest, 0,8%. Je pensais que c'était plus fort que ça. Moi aussi. Mais là, on a eu les chiffres officiels du parti. Donc, c'est vraiment Colombie-Britannique, Ontario. C'est là que ça va se jouer. Thomas Mulcair, c'est en Ontario qui a le plus de chances d'avoir des gains. Et en Colombie-Britannique, il y a beaucoup de Paul Dewar et Peggy Nash qui pourraient avoir des votes. Donc, c'est vraiment divisé au couteau entre ces deux provinces-là. Donc, ça va jouer du coude dans les coins. Faut vraiment pas mettre de côté, justement. On parle souvent de Brian Topp qui serait le favori. Thomas Mulcair aussi, qui est quand même en avance dans les sondages, selon certains. Mais Paul Dewar et Peggy Nash pourraient surprendre, surtout avec l'effet de la pluralité des votes, puisqu'on les classe de 1 à 8. Donc, si Paul Dewar se retrouve classé 3e sur tous les bulletins de vote, il pourrait se retrouver chef. Exactement. Et c'est même lui et son équipe qui ont sorti un sondage il n'y a pas longtemps, et où on disait que Thomas Mulcair était largement en avance et que Brian Topp, le favori dans les journaux, se retrouvait en 5e position et Dewar était dans le top 2 ou 3. Ouais. Donc, lui peut se foufler facilement s'il y a un jeu d'alliance et s'il y a une grande division du vote entre Peggy Nash, Dewar, Topp et Mulcair. Mais pour l'instant, c'est un sondage d'une équipe, donc ça pourrait être biaisé. Mais ça nous donne quand même une certaine idée que pour Brian Topp, que tout le monde voulait couronner dès qu'il a lancé sa candidature. Le début, C'est pas fait. Il reste encore beaucoup d'obstacles à surmonter pour lui. Il reste combien de temps avant de connaître l'heureux élu? 24 mars, dévoilement du nom. Okay. Donc, dans un mois. Dans un mois, on va le savoir. Donc, on fera une chronique spéciale avec Feu d'Artifice et Feu de Bengale. Est-ce qu'on a le budget pour ça? Ah, oh, François Landry, oui, il y a du budget. c'est correct. C'est là que j'ai équipé. Ah, OK, parfait. Je me dis ceci de ses propos. Maintenant, plus proche de chez nous, au Québec, on s'ennuyait, on en parlait un peu, à savoir qu'est-ce qui arrive avec elle, la juge Charbonneau. Ouais. OK. Juge Charbonneau, commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Ah, oui, ben. Oui, OK, là, on sait c'est qui. Rambo, Robocop. Entre autres, oui. Terminator. Robocop. Ouais, et surtout les enveloppes brunes. Et la façon de faire a été quand même spéciale aussi, je pense. Oui, ça coupe pas une petite commotion, mais disons que les journalistes n'ont pas aimé. Mais c'est très défendable parce que les journalistes, bon, on sait, eux autres veulent avoir des scoops, questionner. Bon, c'est leur... La primeur. Oui, mais aussi le fait de pouvoir interroger en personne, mano à mano, tu sais, donc, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais le juge Charbonneau a dévoilé le avant-hier, donc via une vidéo YouTube. Ouais. Donc, elle a envoyé ça aux médias pour dire... C'est ça. Voici, c'est ça mon communiqué de presse, donc verbal. Elle, assise devant la caméra, qui parle avec un ton très solennel, très respectueux, très convivial aussi, donc chaleureux, qui disait que qui a dévoilé le site internet officiel de la commission d'enquête. Donc, je vais vous le donner pour l'intérêt public. Hein, on fait un petit peu de bulletin de nouvelles ici. www.ceic.gouv.qc.ca. Alors moi, les adresses, c'est qu'il y a des lettres, là. Tu vas retenir. C'est la commission d'enquête sur l'industrie de la construction du gouvernement du Québec au Canada. Mathieu, il y a des lettres dans toutes les adresses Internet. T'es drôle, toi. T'es drôle. Mais aussi, si... aussi, si tu veux avoir un numéro de téléphone, au cas où que t'aies... Trop de chiffres là-dedans. 1-855-333-CEIC. Ça, c'est pas elle qui répond, là. Non. Hey, juge, histoire à soir. Non, c'est pas elle qui répond. On s'entend très bien là-dessus. Donc, elle, dans sa vidéo, a dit « Si vous êtes informé de pratiques douteuses relatives à l'octroi ou à la gestion de contrats de construction mettant en cause des contrats publics de construction, il est essentiel que vous nous en informiez le plus rapidement possible », a-t-elle indiqué dans sa vidéo. C'est ça, elle fait appel à la population pour dénoncer, en fait... ce qu'on serait au courant. Là. Donc, il y aurait protection de la source, donc l'anonymat, c'est pour ça qu'il y a un site internet où on peut remplir des champs anonymement, numéro de téléphone aussi, qu'on peut laisser un message dans une boîte vocale, un peu comme Claude Poirier. Sacré Claude! C'est Claude! Des individus, là. Appelez-moi sur un de mes 4 pagettes. Ouais, je pense qu'il y a 2 personnes au monde qui ont des pagettes, il y a moi et lui. Pourquoi t'as ça? J'ai une pagette. Ah, c'est pas cher, c'est ça? C'est dans la tête à François, c'est encore à 90. C'est ouais, il y a ça. Non, ben chez nous, ça sent pas le téléphone cellulaire, c'est pour ça. Dans les hôpitaux aussi, par exemple, ça fonctionne bien. Ouais, ben les serveuses dans les restaurants aussi, puis tout ça. Mais bon, moi, c'est plus pour le kick d'avoir une pagette, d'avoir une dactylo chez moi au lieu d'un ordinateur. Mais bon. Oui, donc c'est la juge qui a passé par-dessus les journalistes, mais en même temps, elle se doit de conserver un droit de réserve, donc ne pas faire une conférence de presse où les journalistes pourraient poser des questions embarrassantes, à savoir c'est qui les témoins, y en a-t-il déjà eu, avez-vous des gros poissons, avez-vous été à la pêche? Donc, elle, par vidéo, il faut se rappeler aussi que le juge Gomery avait fait ça pendant la commission d'enquête sur au fédéral pour scandale de commandite. Lui, il avait lu une lettre et s'était levé et quitté. Donc, aucune émotion. Donc, il avait juste lu un texte. Pas de questions. Pas de questions. Voici les termes. C'est tout. Et là, on se demande quand est-ce que ça va commencer, la commission d'enquête, parce que il y a des élections en l'air, puis on sait que la commission pourrait affecter grandement le Parti libéral du Québec. Et la commission, est-ce qu'elle va fonctionner durant l'été? Elle va. Le calendrier n'est pas encore établi, okay. Mais ça va commencer. Les premières audiences publiques vont commencer en mai. La date reste à déterminer. Et avec une déclaration de la juge pour dire comment ça va fonctionner. Ce qu'on sait, c'est que ça va se faire essentiellement à Montréal, les commissions, en semaine. Trois semaines par mois à raison de 4 jours par semaine. Donc, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Cet été, ça va plutôt être, d'après moi, de l'enquête, recueillir des documentations, des sources, des... interroger des gens. Exactement. Et à l'automne, parce qu'on sait que ça va être tard à l'automne, mi-octobre, fin octobre. Des élections, éventuellement. Probablement. Ben, c'est plus le retour en politique active. Puisqu'en septembre, c'est encore mort. C'est la rentrée à TVA et SRC. Donc les gens n'ont pas la tête à ça. Hein? Ouais. Dit-il avec un sourire en coin. Uh-huh. Et c'est aussi la rentrée de Cifou. Donc les gens, c'est sûr que là, hein, écoute, ils n'ont pas la tête à écouter une juge. Là. Ils veulent écouter du Mathieu. Tu aurais-tu commencé par ça? Ça aurait été pas mal plus sympathique que de faire aussi Cifou. Non, ben on garde le gâteau pour la fin. Okay. Aussi. Cifou s'incruste là-dedans. Ben. Attention, Serge est vexé. Mais, donc, c'est ça, cet été, un recueil de données pour qu'à l'automne, ça puisse aller rondement. Et ça peut durer combien de temps? Ça peut être très long, ça. 3, 4, 5, 6 ans, mais habituellement, ça pourrait être 2 ans. C'est le chiffre qui est avancé, mais ça pourrait être plus que témoins, plus que ça va durer longtemps, plus qu'il n'y aura pas d'idées claires, plus qu'il y aura enquête approfondie et des enquêtes, c'est long. Hein? C'est long. Et elle, en fait, là, la juge Charbonneau, est-ce qu'elle pourrait... T'sais, c'est sûr que là, en fait, elle va être au courant de plein, ouais, plein de stratagèmes, mais qu'est-ce qu'elle peut apporter, en fait? Elle, c'est pour régler l'ensemble des stratagèmes. Elle va émettre seulement des suggestions. Elle ne peut pas condamner, elle peut juste recommander. OK, mais il peut avoir des accusations, par exemple, portées après. Après, donc, mais les sources divulguées dans la commission d'enquête ne peuvent pas être utilisées dans une enquête criminelle ou civile. Donc, il ne se passera pas grand-chose. On va juste savoir comment fonctionne la machine. C'est ça. Juste ça, déjà là, ça va être un grand plus pour la population pour dire, OK, maintenant, on sait comment ça fonctionne, la transmission d'enveloppe brune en dessous d'une table au restaurant sur les rues X à Montréal ou peu importe. Comment ça marche, corrompre un échevin, un député, on sait comment ça marche. Et beaucoup, beaucoup de politiciens, d'hommes d'affaires qui vont se promener les fesses serrées parce qu'ils vont avoir peur de se faire pointer du doigt à chaque fois qu'il y aura contrat ou annonce de contrat. Ça va être calme pendant encore 20 ans et après ça. C'est ça, comme la SECO dans les années 70 sur la viande avariée avec la mafia italienne. On a été tranquille pendant 10, 15, 20 ans, comme tu disais. Et là, ça a recommencé. Parce que c'est une nouvelle génération, on oublie. Mais au moins, savoir comment ça fonctionne, ça sera déjà un gros, gros plus pour notre démocratie qui souffre étrangement ces temps-ci. Ouais. En tout cas, j'espère qu'à chaque fois qu'on va voir la présidente de la commission, ça va être toujours aussi bien produit que son vidéo d'ouverture l'autre fois. Là, c'était vraiment... Ouais, c'est quand même... Il y a mis beaucoup de budget, je pense, sur la caméra. Ouais. Je pense qu'ils veulent que ça fonctionne. Ouais, je pense qu'elle est très intègre. Ça donnait des airs sérieux, mais... Ouais. Le déjà, problème, c'est que le message est un peu long, par contre. Oui, mais ça, on peut pas être circonscrit dans le message parce que faut vraiment nous comprendre. Là. Puis le bien d'Internet, c'est qu'on peut les réécouter si on manque des bottes. On peut faire pause aussi. On peut faire pause, aller aux toilettes et revenir et pincer, s'il vous plaît. C'est agréable. On parlait d'agréabilité. La CAQ. C'est agréable, ça? C'est agréable parce que ça bouge. On croyait que la c'était BSB? Pour être le. L'Arcane. L'Arcane est repogné. Elle a transféré, hein. Habituellement, l'Arcane, c'est au Parti québécois. Mais là, il y a un péquiste qui est devenu caquiste. L'Arcane est pogné. Donc, c'était peut-être lui, l'Arcane. Il y a peut-être un syndrome de la bisbille. Péquiste, qui est une maladie transmissible là, Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que François Legault, il était là pour arrêter Arcane, puis là, ben, c'est lui qui part l'Arcane avec ses. Mais pourquoi parlons-nous de chicane? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, François Rebello, l'ancien député péquiste, donc un homme souverainiste et de gauche, qui a transfugé, ça se dit pas, mais je l'utilise. On comprend très bien. C'est un sifouisme. Oh, bravo. Oh. Un landrisme, ça aurait été correct. Oui, mais un mot qu'on peut utiliser assez fou. Okay, ouais. Ben, c'est un landrisme aussi. Ah, tu le laisses. Je vous le donne, c'est gratuit. C'est comme un morceau de robot. Merci. Donc, il s'est mis les pieds dans les plats en affirmant au Journal de Québec vendredi dernier que le plan vert de la CAQ promet de dévoiler prochainement, se doit de viser une voiture par famille au lieu de deux ou trois. Donc, inciter fortement, et je pèse mes mots, là, les familles à se débarrasser de toutes leurs chars sauf une. Complique la vie un peu, là, mais covoiturage. Oui, mais lui, il est à la prairie, donc dans la grande région métropolitaine où il y a un service de transport en commun assez efficace. Quand tu restes à Saint-Élie et puis ta copine travaille à Berthierville et toi à Trois-Rivières. On a beau faire du covoiturage, mais. Tu fais ce que tu peux. C'est ça, c'est bien le fun quand un finit à 3h et l'autre à 5h. Il y en a un qui pourrait être longtemps. Mais non seulement ça, il va à l'encontre aussi des libertés individuelles qui sont bien défendues par la droite. Et voilà. Donc, pour Janvier Grondin, un député de Beauce-Sud, ancien maire, aussi d'une municipalité, donc très un poids lourd à la CAQ. Il dit que c'est vraiment pas une bonne idée. Se déplacer en Beauce en transport commun, vous savez bien que c'est pas possible. François Rebello, qui n'en est pas à sa première controverse, entre autres par sa profession de foi souverainiste lors de son annonce d'assermentation, lui, il a dit « Je suis souverainiste, je m'en vais dans un parti nationaliste. » Alors que Legault a toujours dit « Non, nous autres, question constitutionnelle, on n'en parle pas. » On n'en parle pas. Donc, ça avait créé une commotion certaine chez les ex-sadéquistes. Les journalistes lui ont demandé à Janvier « Est-ce que Rebello devrait se taire? » Et Janvier Grondin, de son franc-parler, dit « J'imagine que oui. » Donc... J'imagine que oui. Ah, pour son affaire de Beauceron, là, ils se promèneront à dos de vache. Des Beaucerons. Je vais faire une joke plate, mais je la ferai pas. Comme réalisé que non. Sur un autre sujet, le chef caquiste n'est pas toujours d'accord avec sa recrue. Ici, François Rebello a proposé que Québec poursuive en justice Ottawa à cause du retrait du protocole de Kyoto. qui a été imposé par Harper. Ça pourrait coûter 150 millions de dollars aux entreprises québécoises sur ce retrait. Donc, c'est une alternative que Legault ne retient pas, a-t-il tranché, qui a rappelé que c'est le constitutionnaliste Daniel Turp, un très proche de Pauline Marois et ancien député bloquiste aussi, qui a lancé cette idée de poursuite. Donc, c'est François Rebello lui-même qui dit « Québec va poursuivre Ottawa », mais encore là, c'est de la Constitution et la CAQ ne veut pas se mêler de Constitution. Donc, Legault... Du moins pas là. C'est ça. L'expression qui devrait se taire a été reprise par François Legault lui-même. D'ici à ce que le programme de la CAQ soit officialisé, il a demandé expressément à son caucus de se taire. Et là, je cite, là, il a dit à ses députés, hein? Parce que le programme n'est pas officialisé, arrêtez de tirer dans tout sens. Parce que c'est une coalition, habituellement, c'est on a un but commun. Le but commun de la CAQ, c'est d'assainir les finances publiques. Et là, on parle de constitution, on parle d'environnement, on parle de souveraineté. Ah, mais c'est peut-être une conspiration péquiste, genre. François Rebello serait une torpille furtive envoyée par les PQ pour justement détruire la CAQ de l'intérieur. Oui, ça pourrait être une bonne hypothèse, mais si c'était seulement Rebello qui faisait de la brouille, mais il y a Eric Kerr aussi, qui, pas plus tard que la semaine dernière, a demandé sur la place publique qu'on réouvre le dossier de la religion au Québec. Il n'a pas dit le dossier des religions, il a dit de la religion comme étant la seule et unique, c'est la foi catholique chrétienne. Donc, le Rebello qui dit... Legault qui dit non. Time out, les boys! On ne parlera pas de religion, on n'a même pas de position sur religion au Québec. Donc, pas de position pour nulle part. Donc, ça tire de tout sens, tout côté, et... À cause de ça, il y a eu le droit de se taire, donc on va l'imposition du ferme ta bouche, mais aussi la première démission à cause de ça. Première démission qui nous touche, nous autres, en région, c'est le Robert Deschamps, l'ancien député adéquiste dans Saint-Maurice, donc Shawinigan, grand-mère et compagnie, qui a claqué la porte pas plus tard que hier. Pas de nom. Et pas très long, parce que lui, c'était quand même... Il était sur la commission politique de l'ADQ et fervent partisan de la fusion CAQ-ADQ qui a claqué la porte parce qu'il a dit « Cette partie-là, ça improvise. » Donc... Ben c'est ça! Ils ont voulu faire les choses rapidement. Puis... C'est ça. Il disait fort partisan de la CAQ, il a claqué la porte, Mathieu, je m'attendais... excuse-moi, ben oui, il a claqué la porte. Merci, Simon. Non, pas sa switch, réveille. Il suit pas mal plus que moi. Donc oui, Robert Deschamps, qui était fier partisan de la CAQ, a dit ça tire de tout bord de tout côté. Et il y a François Legault aussi qui aurait fait une gourde en disant que les syndiqués des CPE n'auraient plus le droit de manifester parce que c'est un service essentiel. Et lui, Robert Deschamps, sa femme a un CPE, puis lui dit ça va à l'encontre de la mentalité même du principe du CPE. Donc, je peux pas demander à ma femme d'obliger ses employés à rentrer au travail. La chicane donc, de maison. La chicane à la CAQ à la maison. Donc, et voilà. Donc, Robert Deschamps a claqué la porte. Et ce matin même, on apprenait dans les sondages. Donc, tout ça fait en sorte que la CAQ paraît de moins en moins bien sur l'espace public. Perd des plumes, tu dis. Perd quasiment la cuisse puis la face. Puis les ailes. Perd la face. Le sondage Crop la presse révèle ce matin que le PQ est en forte hausse. Et quand je dis en forte hausse, c'est en janvier. Pauline Marois et les péquistes avaient 21% dans les intentions de vote. Ils sont maintenant à 30%. C'est donc énorme. En un mois, 9 points. Je m'excuse, mais c'est fort. Puis dans le fond, je dois faire un honorable. Félicitations au Parti québécois qui a su enfin mettre la chicane de côté pour... C'est parce qu'on les voit pas non plus, là. Est-ce que c'est à cause de ça ou parce que, justement, la population a catché que la CAQ, c'est pas le messie? Donc, il y a un vote naturel qui revient, les contestataires du PQ qui reviennent au Parti québécois. C'est peut-être, comme tu dis, on les voit pas, donc qui habituellement, Pauline, dès qu'on parle pas... Pauline est tranquille. Il est tranquille, très tranquille. Oui, mais en même temps, je trouve qu'ils ont pris les bonnes décisions dernièrement aussi. Je veux pas de se positionner à gauche de Jean Charest et de la CAQ. La taxe santé. Oui, la taxe santé, puis de remettre la souveraineté un peu plus de l'avant que c'était. Avec là, le conseil de la souveraineté, effectivement, donc... tout honneur à Pauline qui a su rallier ses troupes, donc de 21 à 30%. Le Parti libéral, qui lui était à 29%, demeure stable à 29%. Et la CAQ passe de 31% à 26%. Ne pas oublier qu'au mois de novembre dernier, ils étaient à 40%. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont baissé de 14 points. Mais tu l'avais prédit, ils ne pouvaient que descendre. Ils peuvent juste descendre, ils ne peuvent plus remonter. 40%, c'était le maximum. Un parti politique au Québec qui a 40%, c'est très fort. Il peut juste baisser. Donc là, ils se stabilisent à 26. Voyons voir si en mars prochain, ils vont baisser encore. Ce sera à l'avantage de Jean Charest. Mais par contre, ce qui complique la vie de Jean Charest, c'est le vote chez les francophones. Il faut vraiment le détailler. Chez les francophones, 36% irait au Parti québécois, 18% seulement au PLQ et 31% à la CAQ. 31% à la CAQ? Oui, 31%, ce qui est quand même bien. Ouais, c'est le 4-5-0 montréalais, ouais. Surtout qui voterait caquiste. Mais 18% pour Jean Charest, c'est clairement insuffisant pour vouloir déclencher des élections générales pour avoir, pas une majorité nécessairement, mais avoir une confortable assise au Québec. Parce que lui, très fort chez les allophones anglophones. Ouais, ouais, ouais. Mais chez les francophones, tu sais, son épine dans le pied. Et en même temps, là, présentement, ça bouge beaucoup. Donc, je pense, en fait, si... Il y a une mouvance. Il y a une mouvance. Ça, faut vérifier ça. Il n'y a rien d'assuré. Mais Jean Charest, on en parle souvent, va-t-il déclencher des élections générales bientôt, parce qu'il faut se rappeler qu'il a jusqu'au mois à l'automne 2013 pour déclencher des élections. La loi, c'est 5 ans. Donc, il a jusqu'en 2013. Dernières élections, c'est en avril 2008. Donc, l'octobre 2008, pardon. On va attendre. Il va attendre, mais ça va attendre au printemps, tard au printemps, donc au mois de mai. Seuls les sondages nous diront. Avant le déclenchement de la commission Charbonneau qui doit se faire au mois de mai. Donc, il pourrait déclencher ça dès la fin avril pour arriver à la fin mai, élection générale. On sait que le 20 et 21 avril prochain, ça va être sa grosse conférence Plan Nord qui va dévoiler. Plan Nord. Oui, puis il avait promis. J'ai cru entendre Jean Charest. J'ai peur. J'ai cru. Pardon. C'est le 20 et 21 avril prochain et il avait promis, pas plus tard que la semaine dernière, qu'il n'y aura pas d'élection générale au Québec avant le 21 avril. Mais après, c'est certain qu'ils vont en avoir parce que jusqu'en 2015. Ouais, c'est ça, là. T'as pas le choix d'en avoir. Mais en vrai, c'est. C'est comme bientôt, là. Ouais. C'est comme dans deux mois. Tu sais, on est le 24 février, 23 février. 23. Là. 23, oui. C'est comme dans deux mois. Donc, Jean Charest, ce qu'il a de besoin pour déclencher des élections, c'est comme une recette avec des ingrédients, OK? Ah. Il a besoin que sa cote d'amour augmente. Ouais, ouais, c'est ça. Son impopularité se mesure à 70% à peu près. C'est immense. S'il pouvait monter ça jusqu'à 65%, ça serait un petit peu mieux pour lui, mais présentement, c'est 70%. Il faudrait qu'il y ait 20 à 25% du vote francophone pour lui. Là, mais on est à 18%. Il pourrait faire un très bon coup quand on parle de la question de la hausse des frais de scolarité. On pourrait... Parce que s'il reviendrait... De toute façon, le vote jeune ne compte pas assez pour lui. Il sait très bien que le vote jeune n'irait pas au PLQ de par nature. Donc, va attendre. Mis à part le jeune qui représentait le mouvement des étudiants socialement responsable à TVA, ouais, l'autre fois, qui est membre du PLQ et qui est un des porte-parole de ce mouvement-là. Ouais. Très, très bonne chose. Il y a transparence totale de ce côté-là. Voilà. Bref. Et Jean Charest doit compléter la tournée de son Plan Nord et s'assurer que la notoriété de son programme soit son pinacle au moment où il appuiera sur le bouton électoral. Jean Charest ne refera pas la visite des chambres de commerce par la suite, donc il faut qu'il fasse ça là, que ça fonctionne pour déclencher les élections. Et aussi, il faut qu'il regarde du côté du Parti québécois, évidemment, Pauline Marois qui, on la voit, la dame de béton qui revient en force. Et la CAQ qui s'amollit un peu. Qu'est-ce qui serait mieux pour lui? Un PQ fort, une CAQ faible? Ou un PQ faible, une CAQ forte? Selon Jean Charest, ça prend un PQ très fort pour une CAQ très faible. Parce que l'équilibre des forces va revenir au naturel. Donc, les souverainistes vont voter Parti québécois. Et les fédéralistes vont voter Parti libéral. La gauche, la droite, le discours est évacué de la stratégie électorale de Jean Charest. Québec solidaire qui vague entre 8 et 11%. Option nationale qui vogue entre 0 et 2%. Tout dépendamment des sondages, s'ils sont dedans ou pas. C'est difficile à savoir. 0 à 2%, c'est... Ah, ben 0, c'est quand ils ne figurent pas dans le sondage. Donc, il faut pardonner à ce parti-là. Quand ils ne sont pas dans le sondage, on ne peut pas savoir ce qui se passe avec. Lui parlait de revenir au PQ, je pense. Il en parlait. Cette semaine, il a rencontré Pauline. Il a promis qu'il ne reviendrait pas. J'en reviendrai pas. Pourquoi on se rend compte? Non, c'était pour parler du développement dans sa circonscription. Donc, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Parce que le PQ pourrait y laisser la porte ouverte. Là. Je veux dire, c'est quand même un député qui est bien aimé par ses électeurs aussi, Jean-Martin Onsen. Il partage certaines idées du PQ. Oui. Il partage certaines idées du Parti Québec solidaire aussi. Mais lui, Jean-Martin Onsen, c'est la souveraineté là, tu sais, de demain matin. Donc, c'est un pressé dans la classe politique. Un peu réduit. Un peu réduit de la cause souverainiste. Donc, il y tient. Donc, entente avec le Parti québécois. Honnêtement, je le sais pas. Mais est-ce qu'il pourrait présenter un candidat proto-péquiste dans sa circonscription? Ouais. Ah, là, peut-être. Probablement. Donc, plus. C'est certain qu'ils vont avoir 125 candidats, mais 124 bons et un poteau, peut-être. je sais pas du tout. Mais ça fait le tour des petites nouvelles, les petites brèves de la politique. J'essaie d'être concis, mais ça bouge pas beaucoup. Il y a plusieurs petits dossiers, mais à la veille d'élection générale, au fédéral, avec un gouvernement majoritaire Harper et une opposition totalement absente, il y a pas grand dossier, donc ça pourrait... Mais je trouvais un gros sujet croustillant. Okay. Quoi qu'un ragoût de politique, c'est bon aussi. C'est réconfortant. Ça remplit les bons petits ingrédients ensemble. Ouais, ouais. Ça donne quelque chose de pas pire. On se flatte la bédaine le soir, là, c'est bon. Tout le temps. Donc, François Landry, merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain. Oui, merci beaucoup. Oui. Pour notre émission de Logocratie 101. Oui, toujours présent. Nous, on va terminer l'émission ici. On va terminer la semaine parce que le temps file et nous voilà rendus là. Arrivé à bon port. Exactement, que tu parles bien. Restez sur nos ondes. Tout à l'heure, il y aura CNX.zip, l'émission qui récapitule les chroniques CNX d'Assemblage requis. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, 6 degrés avec Kim Bergeron. Je serai de retour avec Jasmine Raymond Réville à 14h pour les Palmarès, c'est fou. À 18h, La Spirale. À 19h, c'est 13e étage, émission de jazz électronique et éclectique. 21h, Le Cortex avec de la musique électronique. Et à 23h, c'est Onde de choc, la nouvelle émission de musique électronique. Donc, t'as encore une soirée d'électronique. Mercredi, jeudi, c'est pas mal rendu ça. C'est le fun. C'est bon. N'oubliez pas d'écouter les meilleurs moments de C'est fou les vendredis matin entre 6h et 10h et notez la nouvelle heure de diffusion pour les meilleurs moments le samedi. Ça commence maintenant à 13h jusqu'à 17h, suivi du voyage insolite. Donc voilà pour la programmation. C'est fou.ca et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. On se quitte avec une pièce qu'on aime faire jouer ces temps-ci. Je sais pas pourquoi on dirait qu'on l'a fait jouer souvent. C'est Au Canada de Medication Club. Oh! Écoutez les paroles, ça parle bien des choses. Donc on se quitte là-dessus. Merci François-Olivier. Merci Serge. Mathieu. Merci Simon. Salut Serge. C'est ça, Mathieu. Merci François Landry. Merci Bianca. Variante. Merci tout le monde qui a participé à l'émission cette semaine. À lundi 7h. Bye bye.